l'heure de l'émission Autour de vous avec Laura sur Radio Guinozo. Bonjour tout le monde, c'est Laura, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Dans les studios de RGM, aujourd'hui je suis avec Romaric, bonjour, comment ça va? Bonjour, très bien. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots à nos auditeurs? Alors, je m'appelle Romaric Duchesne, je suis animateur de l'architecture et du patrimoine, et je travaille donc au Pays d'Épinal, Cœur des Vosges, qui est donc une collectivité territoriale. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur votre profession? Alors, animateur de l'architecture du patrimoine, c'est un petit peu compliqué à expliquer puisqu'on fait beaucoup, beaucoup de choses différentes. En gros, je suis amené à coordonner l'ensemble des actions réalisées en faveur du patrimoine, de l'architecture, des paysages, donc menées par ma collectivité. Donc, ça peut être de l'animation, ça peut être de la recherche également, ça peut être du partenariat. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup de choses que je suis amené à faire, toujours dans l'optique de la valorisation du patrimoine. Est-ce que vous avez passé un diplôme ou suivi une formation pour faire ça? Alors ma formation, donc j'ai fait 5 ans à l'université de Nancy en histoire. J'ai un master valorisation métier du patrimoine. Et en fait, pour être animateur d'architecture du patrimoine, il y a un concours qui est organisé par les collectivités, également la direction régionale des affaires culturelles, pour pouvoir sélectionner les personnes qui seront amenées à travailler sur ce type de mission. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de vous orienter vers ce domaine particulièrement? Bah disons, quand j'étais petit, on allait souvent visiter les églises, on allait visiter les vieux châteaux. Moi, j'aimais pas du tout ça. Mais faut croire que c'est rentré un petit peu dans mes veines, puisque finalement, c'est quelque chose qui m'a tout de suite plu. Et donc, dès mon bac, je suis parti en fac d'histoire, puisque c'était ça que j'avais envie de faire. Et depuis quand est-ce que vous exercez cette profession? Alors, j'ai commencé en 2011 dans ma collectivité. Donc, ça fait 12 ans maintenant que je travaille là-bas. Mais sur le poste animateur de l'architecture du patrimoine, ça fait 6 ans maintenant, puisque du coup, le concours était en 2017. Et qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre profession? Ce que j'aime beaucoup dans ce métier, c'est que c'est, bah, d'une part, c'est un métier qui me plaît beaucoup en termes de thématique, puisque j'aime beaucoup la valorisation du patrimoine. Et ensuite, ce qui me plaît beaucoup, c'est que c'est un métier qui est très diversifié. C'est-à-dire que je vais pas passer toute ma journée à faire la même chose. C'est peut-être que le matin, je vais faire de la recherche, je vais aller aux archives, l'après-midi, j'aurai une visite guidée, ou bien j'accueillerai un groupe, etc. Et puis le soir, je devrais faire un dossier de demande de subvention. Donc, en fait, ça change tout le temps. On va avoir des journées très diversifiées, et sur une semaine, je peux avoir des journées complètement différentes. Je peux avoir du terrain et également du bureau. Donc vous avez finalement pas de journée type, en fait, vous êtes polyvalent. C'est ça, en fait la journée type ça va dépendre vraiment du projet du moment. Est-ce qu'on travaille sur une exposition? Est-ce qu'on travaille sur une visite guidée? Est-ce que j'ai un groupe qui va arriver? Ou bien est-ce que finalement je vais avoir un peu de temps pour me poser, réfléchir quelle sera notre prochaine publication, sur quoi on va écrire, travailler avec les associations, contacter les mairies, etc. Donc vraiment c'est très différent en fonction du projet qui est en cours. J'ai vu via votre site internet de la glucoserie que vous ne travaillez pas seul. Est-ce que vous pouvez nous parler de Lucille et Corentin? Oui, effectivement. Donc, pendant longtemps, j'étais tout seul, mais heureusement, maintenant, on est une bonne petite équipe. Donc, cette année, on est 4, en vrai. Donc, il y a Lucille, Corentin et Axel qui travaillent à la glucoserie. Axel est arrivé il y a très peu de temps, c'est pour ça qu'elle n'est pas encore sur le site internet, mais ça va venir. L'idée, en fait, c'est depuis qu'on a ouvert un peu notre bâtiment, donc la glucoserie dont on va parler juste après, on a besoin d'avoir une équipe, puisque je peux pas gérer tout seul l'ouverture, l'animation, la programmation, etc. Donc j'ai mon adjointe Lucille qui est chargée justement de tout ce qui est le volet jeune public, également tout le volet programmation, créer les visites guidées, vous faire le lien avec les guides, faire le lien avec les mairies qui vont nous accueillir puisqu'on a un vaste territoire à valoriser. Et puis on a notamment aussi donc Corentin qui est lui plutôt sur le volet accueil à la glucoserie, mais également aussi sur tout le volet numérique multimédia, puisque par exemple c'est lui qui anime le site internet, c'est lui qui l'a codé, c'est lui aussi qui gère nos réseaux sociaux, c'est lui qui anime tout ça. Et puis donc on a eu un renfort cette année de Axel qui est arrivé là il y a assez peu de temps, et qui va accompagner notamment Lucille sur tout le volet jeune public, puisqu'on se rend compte que ça plaît beaucoup aux écoles, aux collèges, et on a beaucoup de classes qui nous sollicitent, donc c'était très chronophage pour Lucille, donc c'est bien qu'elle puisse s'appuyer sur une deuxième personne. Est-ce que vous êtes à la recherche de quelqu'un en ce moment ou pas? Alors en ce moment non, puisqu'on est même assez nombreux, mais comme on est une équipe assez jeune, on a chacun un petit peu ses ambitions professionnelles, donc c'est vrai que c'est une équipe qui sera peut-être amenée à changer de temps en temps régulièrement. En ce moment on a également une stagiaire, je ne l'ai pas mentionné, qui travaille donc sur le recueil de la mémoire. Et c'est quoi ça? Donc en fait on s'est rendu compte que sur des thématiques qui sont assez récentes, je veux dire thématiques milieu 20e siècle, ça peut être la Seconde Guerre mondiale, la reconstruction, l'industrie, etc. On avait encore des personnes qui avaient vécu ces périodes. On a des fois des gens qui viennent qui disent « Ah les bombardements d'Épinal, je les ai vus de mes yeux. J'étais enfant, on était à la cave, on a mangé ci, on a mangé ça, etc. » Et on s'est dit « Dans 10 ans ces personnes-là, elles commencent à être très très âgées, donc qu'est-ce qu'il en sera? Est-ce que les informations qu'elles peuvent nous donner ne vont pas être perdues finalement ?» Donc on a commencé à prendre contact avec des personnes, des individuels qu'on avait réussi à identifier, mais également avec des EHPAD, qui sont un excellent endroit pour trouver des personnes âgées. On a fait des partenariats avec eux, et on essaye donc de collecter la mémoire, c'est-à-dire d'aller discuter avec ces personnes, leur demander de nous raconter leur jeunesse, leur vie dans leur maison, où ils habitaient, qu'est-ce qu'ils faisaient dans les années 50, dans les années 60, est-ce qu'ils ont connu la reconstruction, est-ce qu'ils travaillaient à l'usine, etc., etc. Et ça va nous permettre d'apporter un petit côté humain, parce que le problème quand on travaille dans le patrimoine, c'est que c'est très souvent très formel, c'est la pierre, ça s'est construit en tel style, à telle époque, etc. C'est très froid finalement. Et là, ça nous permet de rajouter de l'humain, quelqu'un qui va nous dire, ah bah là, on a fait ça, là, quand j'étais petit, j'ai fait ça, j'ai été joué dans les souterrains du château. Et ça apporte vraiment une dimension très différente à nos actions. Et ça permet de nous donner, nous, des nouvelles perspectives de travail. Est-ce que vous mettez ça, par exemple, sous archives qu'on peut consulter à la glucoserie ou pas? Alors pour l'instant, on vient juste de commencer. On est pour l'instant dans le volet recueil. C'est-à-dire que pour l'instant, on collecte, on interroge, on a les fichiers. L'objectif, c'était vraiment ça. C'était pouvoir la conserver dans un premier temps, pour pas qu'elle parte. On n'a pas encore bien réalisé comment la diffuser, ensuite comment la mettre en valeur. On pense par exemple pour notre prochaine exposition pouvoir proposer des sortes de petites capsules audio que les gens pourront écouter. Mais effectivement, ça va être des morceaux qu'on a choisis, qu'on a sélectionnés, parce qu'on a des entretiens qui durent 2-3 heures des fois. Donc forcément, si on veut faire une restitution publique, faut nous ensuite qu'on fasse un gros travail de tri. On va conserver tout, on va vraiment conserver tout l'entretien et on va juste choisir des moments qu'on va pouvoir mettre en valeur. Ça peut être aussi sur notre site, ça peut être dans le cadre de podcasts, ça peut être pour agrémenter des vidéos qu'on fera sur nos réseaux. L'idée, voilà, c'est vraiment de mettre à l'honneur cette mémoire pour accompagner justement les recherches historiques que nous on mène, pour les mettre un peu en parallèle. Nous allons faire une première pause musicale avant de parler de la glucoserie. À tout de suite sur Radio Game Ozo. Cause I was sitting down for the dab, and they just one breath to say, you gotta get up, you gotta get out, you gotta get down. We'll be right back. Nous sommes de retour sur les ondes de RGM avec Romaric après avoir écouté cette petite reprise du groupe Kokomo du morceau DJ Saved My Life. Est-ce que vous connaissez cette petite reprise avant que je vous la fasse écouter? Non. J'adore cette musique, je trouve que ça donne de l'énergie. C'est ça, ça donne du peps. Alors il y a un label pour la glucoserie, qu'est-ce que c'est? En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la glucoserie, c'est que la partie émergée de l'iceberg finalement, puisque l'iceberg, en fait, c'est que le territoire donc du pays d'Épinal est labellisé pays d'arrêt d'histoire. En fait, ce pays d'arrêt d'histoire, donc c'est un label national qui est décerné par le ministère de la Culture à des territoires. Donc ça peut être des villes ou ça peut être des pays. Donc quand on dit pays, ça peut être des communautés de communes, des rassemblements de communes ou des pays comme nous. Et en fait, ce label pays d'arrêt d'histoire, c'est attribué à des collectivités qui mettent en place des actions de valorisation du patrimoine et qui souhaitent vraiment s'engager plus loin dans une démarche de connaissance, de mise en valeur, de sensibilisation des habitants la qualité architecturale du territoire, à la qualité paysagère, et qui veulent vraiment s'engager là-dedans. Donc le territoire du pays d'Épinal a été labellisé pays d'arrêt d'histoire donc en 2014, avec une extension en 2021. Qui a concerné donc plus de communes. Et donc la glucoserie, en fait, c'est un centre d'interprétation du patrimoine, c'est-à-dire c'est le lieu où on va présenter le patrimoine de ce territoire. Et ça se trouve où? Près du cinéma, je crois, et c'est ça. Musée. Donc la glucoserie, c'est le long de la rue Saint-Michel, c'est entre la BMI, donc pas loin du cinéma, et la plomberie. Donc c'est au pied de la colline du château. Donc ça bénéficie d'un grand parking, c'est vraiment un lieu qui est très adapté pour ce genre de manifestation. Pourquoi ce nom, la glucoserie? Parce que moi, quand j'ai vu ce nom-là, je me suis dit, oula, c'est un musée à la gloire du glucose. Eh ben, en fait, il y a bien un lien avec le glucose, puisqu'en fait, il faut imaginer que donc le cinéma, la bibliothèque, ils sont pas installés au milieu de nulle part. En fait, ils sont installés sur une ancienne friche industrielle. En fait, à partir de 1850 jusqu'en 1950 à peu près, le long de la rue Saint-Michel, il y avait une usine qui fabriquait du glucose. Donc, il s'appelait donc la glucoserie d'Épinal. Et donc, tous les bâtiments industriels ont été détruits, puisque donc l'usine a fermé dans les années 50. Elle a été reprise par la STAV. Donc la STAV, ça parlera peut-être un peu plus de monde. C'était la Société des Transports Automobiles des Hauts-de-Vosges. C'était donc le dépôt des bus de la STAV, le dépôt de matériel des remontées mécaniques. Et tout ça, ça a duré jusque fin des années 90, début des années 2000, où finalement tous les bâtiments industriels ont été détruits. On a construit la BMI, le cinéma, et il y a un seul petit bâtiment qui est resté, c'est la maison du patron. La maison du patron de la glucoserie, Monsieur Chup, qui avait fait construire cette maison toute fin 19e siècle, elle restait toute seule sur le parking de la BMI. Elle est restée comme ça pendant plus de 10 ans. Et donc nous, on a repris cette maison, on l'a restaurée, on l'a adaptée donc aux normes actuelles donc de sécurité et d'accessibilité. Et quand il a fallu chercher un nom, puisque centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine, c'est un peu long, c'est un peu pompeux, on s'était dit il faut quelque chose de plus court, qui interpelle, puis aussi qui raconte l'histoire du lieu. Et on s'est dit bah finalement la glucoserie c'est très bien, puisque on est dans la maison d'une ancienne glucoserie. Et dans quel but est-ce qu'elle a été créée, la glucoserie? Alors la glucoserie, effectivement, comme je vous l'ai dit, c'est un centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine, c'est-à-dire qu'en fait, dans notre label pays d'art d'histoire, on s'était engagé auprès de l'État à mettre en place un bâtiment où on pouvait présenter l'architecture et le patrimoine du territoire. Donc on a cherché un bâtiment qui soit adapté, on a trouvé celui-ci qui était vraiment parfait. Et donc à l'intérieur, on présente donc des expositions sur l'histoire et le patrimoine du territoire. Donc ça concerne donc les 172 communes du pays d'Épinal. Donc c'est pas seulement Épinal, c'est vraiment sur un vaste territoire. Et on va présenter sous l'angle de plusieurs thématiques. Par exemple, l'histoire industrielle, l'histoire liée notamment au 19e siècle, l'histoire médiévale, la forme des villages, le petit patrimoine, les calvaires, les croix de chemin, etc. La maison traditionnelle. On a vraiment plein d'angles d'attaque pour parler du patrimoine de notre territoire. Et l'idée, c'est de recevoir du public dans cette glucoserie pour pouvoir leur montrer un petit peu à quoi ressemble leur territoire. Et quel genre de public est-ce que vous recevez à la glucoserie? Est-ce que ce sont exclusivement des scolaires? Ah non, pas du tout. On est ouvert vraiment à tous les publics. Pour bien comprendre, en fait, nous, on est ouvert donc en visite libre du mardi au dimanche, 14h-18h. Et en fait, donc là, c'est de la visite libre. C'est-à-dire que les gens viennent, du moment que c'est entre 14h et 18h, c'est ouvert, et ils peuvent visiter librement l'exposition. Ça, c'est important, puisqu'en fait, l'exposition a été conçue pour être vue en visite libre. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il y a énormément d'informations, mais les gens vont venir piocher ce qui les intéresse. On a des écrans tactiles, on a de la réalité virtuelle, on a des films, on a des panneaux, on a des choses à soulever, des choses à tirer, etc. On a même des petits jeux qui permettent de sensibiliser un peu les gens au patrimoine. Et donc ça, chacun y va quand il veut, où il veut. Et également, donc si vous avez bien vu, on n'est pas ouvert les matins. En fait, tout simplement, puisqu'en fait, on va réserver les créneaux pour, par exemple, des groupes. Donc notamment, on accueille du scolaire, on accueille du périscolaire également, on accueille aussi tout ce qui est centre social, on travaille aussi avec des établissements médicalisés, et aussi, on peut accueillir des groupes d'adultes. On reçoit des associations, on reçoit aussi pas mal de gens. L'idée, voilà, c'est plutôt sur le matin, ce sera sur réservation pour des groupes, et l'après-midi, c'est visite libre, vient qui veut. Et c'est quoi pour vous le patrimoine? Est-ce que ce sont les choses qu'on a réussi à acquérir avec le temps? Alors le patrimoine, je vais pas parler vraiment de la définition du mot patrimoine, mais en fait, ce que nous on envisage vraiment comme patrimoine, c'est ce qui fait vraiment l'identité de notre territoire. Donc par exemple, nous dans les Vosges, les principales choses qu'on a vraiment de base, c'est déjà un patrimoine naturel qui est assez incroyable, puisque principalement lié à la forêt, lié à l'eau aussi, puisqu'on a beaucoup de choses à dire là-dessus. Ensuite, on va essayer de faire les différentes époques, finalement, et les patrimoines qu'on a réussi à sauvegarder de ces différentes époques. Par exemple, quand on parle du Moyen-Âge, on envisage tous les châteaux, les églises, pour une raison toute simple, c'est parce que c'est quasiment les seuls vestiges qui sont arrivés jusqu'à nous. On a aussi une histoire récente qui est très intéressante sur notre territoire, puisque finalement, les Vosges, comme le reste de la Lorraine, finalement, ce sont des territoires qui ont été très malmenés pendant les guerres du XXe siècle, que ce soit Première Guerre, Deuxième Guerre, ou même en 1870. Donc on a pas mal de destruction, donc pas mal de reconstruction. Donc c'est-à-dire une architecture nouvelle, avec des nouveaux codes, qui elle aussi présente son intérêt. Et puis, dans la vallée de la Moselle, on a aussi tout le côté industriel, qui est très très présent, avec des villes qui se sont transformées en véritables villes-usines au XIXe siècle. Donc voilà, c'est ça, ce patrimoine qu'on essaye de mettre en valeur. C'est du patrimoine qui peut être très ancien comme très récent, mais qui fait vraiment l'identité de notre territoire. Moi, ce qui m'a toujours fasciné avec l'histoire, c'est comment est-ce qu'on peut retourner autant en arrière. Par exemple, moi j'aime beaucoup l'histoire de l'Égypte antique. Comment est-ce qu'on peut savoir aujourd'hui ce qui s'est passé il y a des millénaires, en fait? Alors, quand on essaye d'étudier l'histoire, on a deux manières de s'y prendre. Donc souvent, il faut mettre les deux en même temps, c'est-à-dire que vous avez d'un côté les archives, c'est-à-dire les écrits qu'ont laissés nos ancêtres. Dans les archives, vous allez pouvoir trouver un marchand, par exemple, qui a vendu des pierres pour la construction d'un château. En archéologie, vous allez pouvoir retrouver les murs de ce château. Et en fait, c'est en croisant les deux que vous allez pouvoir dire, d'accord, ce mur, il était construit en telle époque, par telle personne, avec tel type de pierre. Et c'est seulement, en croisant les sources, en croisant les informations, qu'on arrive à avoir ces éléments. Après, c'est vrai que c'est toujours des choses à prendre avec des pincettes, puisque, des fois, on a des écrits qui se basent des fois sur rien du tout. Par exemple, des historiens 17e, 18e, 19e siècle, qui faisaient leur propre histoire de l'Égypte, leur propre histoire de France, etc. Et qui ont inventé pas mal de choses parce que pour combler les trous qu'on avait justement dans certaines périodes. Et donc le rôle de l'historien, c'est vraiment de remettre les choses vraiment dans leur contexte en disant ça on le sait parce que c'est sourcé, mais faut aussi surtout ne pas hésiter à dire ça on ne sait pas parce qu'on n'a pas assez d'informations, on n'a pas assez d'archives, de sources qui nous permettent d'attester que ça s'est réellement passé de telle manière. Ça doit pas être évident parce que, par exemple, si vous étudiez l'Égypte antique, ils avaient une écriture particulière, les hiéroglyphes, etc. Alors je me dis, comment ils ont réussi à traduire ça? C'est sûr que c'est tout un travail. Il y a des experts justement sur ce type de sources historiques qui sont capables de déchiffrer tout ça. Mais c'est vraiment ça qui est important aussi, c'est de mettre en lumière vraiment tout ce qu'on a réussi à retrouver. Et aussi, ce qui est important, c'est bien de les remettre dans son contexte. C'est-à-dire qu'on peut parler d'un personnage en particulier parce qu'on a plein de sources, mais c'est pas pour autant qu'il était important. C'est peut-être parce que toutes les autres sources d'un autre personnage auraient disparu. Et faut vraiment faire toujours très attention, prendre toujours des pincettes. Et en histoire, on dit rarement des vraies certitudes. En fac d'histoire, on m'a dit, il n'y a pas toujours un pourquoi. Il s'est passé ça, d'accord. Il n'y a pas de pourquoi, parce qu'on n'est pas capable de justifier que tel événement en a entraîné un autre. C'est vrai que c'est plus facile, par exemple, à parler du naufrage du Titanic, parce qu'il y en a qui ont survécu et qui ont apporté des témoignages. Donc là, pour le coup, c'est des sources sûres. C'est ça. Les événements les plus récents, généralement, c'est un peu plus facile à retrouver, puisqu'on avait déjà la conscience de garder des archives, de garder des documents. Plus c'est loin, plus c'est difficile, effectivement, à expliquer. Par exemple, on a parlé plusieurs fois de l'Égypte, mais si on prend ce qui s'est passé en France, sur le territoire français, à la même époque que l'Égypte antique, on a encore moins d'informations. Parce que finalement, comme on est dans une zone plus humide, le bois est beaucoup moins resté, il y a beaucoup moins de textes qui ont pu être conservés. Donc là, on est vraiment dans des périodes où, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. On a quelques sources, mais très, très isolées. Quand on s'appelait la Gaule et que la capitale c'était Lutèce. J'ai vu sur votre site qu'on pouvait télécharger des livrets. Qu'est-ce que c'est? Alors en fait, dans le cadre du Pays d'Art d'Histoire, on est amené à rédiger pas mal de choses. Donc notamment, on rédige des petites publications qui sont chartées Ville et Pays d'Art d'Histoire et qu'on met gratuitement à disposition de ceux que ça intéresse. Et en fait, donc c'est des petits livrets qui font entre 15 et 80 pages et qui permettent d'évoquer une thématique. Donc c'est issu des recherches qu'on peut mener, mais en sachant que nous, on n'est pas des archéologues, on n'a pas non plus le temps de creuser 15 000 sources historiques. Donc on va se baser sur des travaux d'historiens qui sont déjà assez qualitatifs pour pouvoir les mettre à disposition. Donc on est vraiment sur de la médiation culturelle, c'est-à-dire qu'on va prendre un travail de plusieurs historiens, on va creuser nous-mêmes de notre côté pour mettre un éclairage sur plusieurs thématiques. Je vais prendre un exemple, on en a fait un il y a quelques années sur la guerre de 1870, qui est une guerre qui est assez peu connue finalement, mais il s'est passé pas mal de choses sur le territoire vosgien. Donc en fait, moi, je suis allé retrouver les écrits, finalement, qui dataient des années 1890, qui avaient été écrits par des gens qui avaient vécu ces événements. Et puis l'idée, c'est de retranscrire un petit peu ce qui s'est passé sur le territoire vosgien, en faisant très attention, bien sûr, de pas céder un petit peu au nationalisme qu'il y avait à l'époque, à la propagande, etc., en gardant toujours un point de vue un peu extérieur, critique, un avis critique d'historien, pour justement remettre les choses dans leur contexte et présenter les événements de manière la plus objective possible. En 1870, c'était pas la guerre franco-prusse ? Exactement. Et qu'est-ce qui s'est passé dans les Vosges ? Eh ben en fait, dans les Vosges, pendant la guerre de 1870, il y a eu plusieurs combats, puisque les forces prussiennes avançaient d'est en ouest. Et donc, il y a eu des combats, notamment à Rambervillers. Il y a eu la défense de la ville avec des barricades, etc. Ensuite, ils se sont dirigés vers Charmes et vers Épinal. Donc là aussi, il y a eu des combats. Et puis, ce qui est très intéressant dans cette guerre de 1870, c'est qu'en fait, il y a eu après une occupation prussienne qui a duré jusqu'en 1873. Donc ça, on a tendance à l'oublier, mais pendant 3 ans, on avait genre des Allemands qui occupaient le secteur. Donc, il y a toute une histoire qui va derrière sur l'occupation prussienne, également d'un point de vue alimentaire, finalement, puisqu'il y a eu pas mal de famines à cette époque-là. Il y a eu des maladies aussi, il y a eu des perquisitions, des réquisitions aussi également. Il y avait des francs-tireurs français qui essayaient justement de chasser l'occupant. Il y a toute une histoire qui est très intéressante à découvrir. Et j'imagine que pour les autres guerres mondiales, il y a dû y avoir aussi pas mal de témoignages, etc. C'est ça. Deuxième guerre mondiale, on l'a fait. On a un livret qui est en 2 parties. La deuxième guerre mondiale et ensuite la reconstruction. C'est d'ailleurs les 2 plus gros livrets qu'on a fait, puisqu'il y a énormément de choses à dire, avec des fois des choses qui sont assez difficiles à retrouver. Par exemple, sur la partie reconstruction, j'ai vraiment dû aller dans les greniers des mairies pour retrouver les plans de reconstruction, puisque quand vous dites à quelqu'un qu'un plan des années 50, ça a un intérêt historique, il va presque vous rire au nez, parce que voilà, c'est une architecture qui est assez particulière, qui est peut-être un peu mal aimée parce que c'est du béton, parce que c'est du métal, etc. Puis c'est des formes qui sont pas toujours très, très esthétiques. Mais voilà, c'est une architecture qui répondait à un style particulier, à un besoin particulier, avec des ressources limitées, etc. Par contre, Première Guerre mondiale, c'est à faire, c'est pas encore fait pour l'instant. C'est une piste de travail pour les années à venir. Les lettres des poilus, etc. Ah, il y a beaucoup de choses. Après, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été faites. C'est pour ça que nous, on l'a pas mis en priorité. Mais voilà, c'est quelque chose qui va venir dans les années à venir, puisqu'on peut pas non plus le passer sans silence. J'ai vu via votre site que vous proposez des podcasts. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots là-dessus ? Oui, alors ça, c'est tout nouveau. Hein. On n'en a pas encore réellement des podcasts. Mais c'est un projet qu'on a dans les années à venir. Quand on se base sur la collecte de la mémoire qu'on a faite, on recueille beaucoup d'informations. Idem, quand on rédige pour une publication ou pour une exposition, on va accumuler pas mal d'informations. Et en fait, l'idée des podcasts, c'est de les transmettre au public sous forme audio, comme des histoires racontées. Ça peut être des histoires personnelles, des histoires de vie que les gens nous ont racontées et qui nous ont autorisé à répéter. Ou bien, ça peut être tout simplement une présentation d'une thématique, tout simplement. C'est plus facile pour livrer, par exemple, les témoignages des gens qui ont vécu quelque chose d'important. En version audio, ça a toujours un format un petit peu différent. C'est toujours peut-être plus personnel, plus individuel quand on écoute. Et puis, ça peut nous permettre de toucher un public un petit peu différent, qui serait peut-être pas encore venu à la glucoserie, et puis qui pourrait nous écouter sur la route dans sa voiture, puis ça pourrait lui donner ensuite envie de venir. L'idée, c'est que les habitants du territoire se réapproprient leur patrimoine, leur histoire. C'est que chacun soit fier de ce qui se soit passé, que ce soit à Épinal, que ce soit à Darnay, que ce soit à Charmes, etc. Que les gens se rappellent un petit peu de ce qui s'est passé, qu'ils en soient fiers de leur territoire. Parce qu'on entend souvent, dans les Vosges, il n'y a rien à voir, etc. Et les gens sont souvent assez peu conscients de la qualité de notre territoire, que ce soit la richesse patrimoniale qui est assez forte, que ce soit aussi la diversité de patrimoine qu'on va trouver. Et donc nous, on essaye vraiment, justement, par des expos, des podcasts, des livrets, de leur donner des petits outils, on va dire, pour que chacun puisse se dire « Ah oui, quand même, dans les Vosges, il s'est passé ça. Ah bah, dans ma ville, il s'est passé ça. Telle maison, elle date de telle époque. Voilà, etc. » Et puis, on a ce petit sentiment de fierté. Et ça, on l'a bien ressenti, notamment pendant les vacances de Pâques, où en fait, on a des gens qui étaient déjà venus à la glucoserie et qui, on en a beaucoup quand même qui ont fait ça, qui ont dit « Ah bah, j'ai de la famille qui vient du sud de la France. Ah bah j'ai mes petits-enfants. Ah bah j'ai mes parents qui habitent dans le nord de la France. Ils sont venus, donc je les emmène à la glucoserie parce que je suis fier de leur montrer. Regarde, ça c'est mon village, ça c'est ma maison, etc. Et c'est vraiment ça qu'on essaye de mettre en place. Et qui s'occupe de faire tout ça, les podcasts, les livrets, etc. Alors les livrets, c'est moi. En sachant que donc on fait appel à des prestataires pour l'impression, mais également pour la mise en page graphique, puisque on n'est pas compétent là-dedans. Et pour tout ce qui est donc les podcasts, c'est donc Corentin qu'on a déjà parlé, qui travaille sur les podcasts, puisqu'en fait lui il est en lien avec la collecte de la mémoire, et c'est lui qui va nous dire tiens, telle partie peut être intéressante à travailler en podcast. Celle-là on va la faire parce que la voix de la personne est de qualité suffisante pour être en audio. Celle-là on va la refaire de manière différente. Celle-là on va la faire plutôt sous format vidéo, etc. Et on a également donc une production de films patrimoine. Donc quand je dis film, c'est des courts-métrages documentaires. On est sur 8 à 10 minutes. Et donc là, on a une équipe de prestataires qui est vraiment dédiée à ça et qui chaque année va nous réaliser donc un nouveau film. Donc moi, je m'occupe du scénario puisqu'il faut toujours vérifier la véracité historique et puis la pertinence de mettre tel ou tel élément. Et puis ensuite, on se prévoit les tournages et puis on va tourner sur le territoire. Par exemple, en ce moment, on travaille sur l'industrie textile qui a vraiment profondément marqué notamment la vallée de la Moselle. Donc là, on a été tourné à Vincennes, on va aller tourner à Thaon-les-Vosges, on va aller tourner dans la région de Rambervillers. Voilà, donc on va essayer vraiment de mettre en valeur notre territoire. Nous allons faire deux pauses musicales avant de parler de votre actualité. On vous laisse avec Spin Doctor, c'est Lenny Kravitz et on se retrouvera juste après sur le 107. Just go ahead now. One has diamonds in his pockets, and that's some bread now. This one said he wants to buy you rockets. Ain't in his head now. This one got a princely racket. That's what I said now. Got some mixy love on his jacket. Ain't in his head now. You remember him? Your father will condone you. How about that now? You marry me? Your father will disown you. He need his head now. Marry him or marry me? I'm the one that left him, baby. Can't you see? I ain't got no future or family tree, but I know what a prince and lover ought to be. I know what a prince and lover ought to be. Said if you want to call me baby, just go ahead now. And if you like to tell me baby, just go ahead now. And if you wanna buy me flowers, just go ahead now. And if you like to talk for hours, just go ahead now. That's what I said now. Princes, princes who adore you, just go ahead now. One has diamonds in his pockets, and that's a friend now. This one who wants to buy you rockets, ain't in his head now. Marry him or marry me, I'm the winner, let me flip, but can't you see? I ain't got no future or family tree, but I know what a prince and lover ought to be. I know what a prince and lover ought to be. Call me baby, just go ahead now. And if you like to tell me maybe, just go ahead now. And if you wonder about me flowers, just go ahead now. And if you like to talk for hours, just go ahead now. And if you want to call me baby, just go ahead now. And if you like to tell me maybe, just go ahead now. And if you like to buy me flowers, just go ahead. Now, and if you like to talk for hours, just go ahead now. If you want to call me baby, just go ahead now. And if you'd like to tell me maybe, just go ahead now. If you want to buy me flowers, just go ahead now. And if you'd like to talk for hours, just go ahead now. Oh, baby, just go ahead now. Just Nous sommes de retour sur les ondes de RGM avec Romaric. Merci aux auditeurs qui sont avec nous depuis le début de l'émission et merci à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre via le 107, notre site internet Radioline ou par l'application mobile Les Radios Associatives. Quels événements se sont déjà déroulés à la glucoserie, Romaric ? On accueille pas mal d'événements et de manifestations. Pour vous en citer que deux très récemment, donc mercredi dernier, un événement assez important puisqu'en fait c'était le petit-fils d'un ferronnier d'art, meilleur ouvrier de France, qui nous a mis en dépôt à la glucoserie donc des œuvres de ferronnerie d'art de son grand-père, puisque finalement, quand on parle de patrimoine, c'est important aussi de parler justement de l'artisanat d'art, qui est assez présente sur notre territoire. Et donc, on a eu une remise un peu officielle, suivie d'une conférence de la part du petit-fils, Monsieur Valentin, de ce ferronnier d'art, et qui a restitué donc toute la vie de son grand-père, avec notamment toutes les œuvres qu'il a réalisées dans Épinal. Ça peut être du garde-corps, ça peut être de la barrière, ça peut être de la grille, ça peut être des choses aussi dans l'art sacré, puisque c'est quelqu'un qui était très productif dans les années 50. Et puis également, pour en citer une autre, on a travaillé avec les Imaginales d'Épinal cette année. On avait un stand qui était avec de la réalité virtuelle. Et puis, on a fait aussi pas mal de travaux sur les Journées Européennes des Métiers d'Art qu'on a pu accueillir à la glucoserie avec des artisans d'art qui exposaient leur travail, faisaient des démonstrations. Donc ça, c'est quelque chose qui va être amené à se développer. Et donc ça, bien sûr, c'est les événements qui viennent en plus des visites guidées, des conférences, de tout ce qu'on organise à la glucoserie. Et c'est quoi la réalité virtuelle ? C'est un espace qui est en accès libre. C'est-à-dire que quand vous venez en visite libre, vous pouvez aller directement dans l'espace réalité virtuelle. Il n'y a rien à faire en particulier. Vous avez des casques en libre service avec un casque audio. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, ça va vous couvrir les oreilles et les yeux. Et en fait, quand vous mettez ce casque, vous allez vous retrouver dans un lieu du patrimoine. Donc, il y a 8 sites qui ont été pris en photo 360. Donc, en fait, c'est de la photo 360. C'est-à-dire que c'est pas de la vidéo. C'est-à-dire que vous allez vous retrouver immobile dans un site. Vous allez, si vous tournez la tête, l'image tourne. Et donc, c'est comme si vous y étiez. Et en fait, à l'intérieur, vous avez comme un curseur de souris, mais en fait, qui va vous suivre du regard. Et donc, en fait, en amenant votre regard sur une statue, sur une porte, sur un détail en particulier, vous allez pouvoir lancer une interaction. Ça peut être le lancement d'un petit fichier vidéo qui va vous expliquer cette statue et la statue de Saint-Machin qui date de telle époque, etc. Ça peut vous agrandir une photo, par exemple sur un tableau. Ou bien, si vous allez sur, par exemple, une porte, ça peut vous amener à un panorama suivant. Par exemple, vous êtes à l'hôtel de ville de Rambervillers, vous commencez à l'extérieur, donc il y a des petits détails sur les sculptures qui sont sur la façade. Vous pouvez, en regardant la porte, rentrer à l'intérieur. Vous vous retrouverez, par exemple, dans la salle du conseil, dans l'escalier. Et ça permet, justement, donc on a 5-6 panoramas par site, de donner envie aux gens d'aller visiter le lieu. Parce qu'en fait, on va essayer, c'est pas une vraie visite complète virtuelle. Par exemple, quand on va à la forteresse de Châtel, on a 4-5 vues maximum. L'idée, c'est que les gens se disent, ah, ça a l'air bien, j'ai envie d'y aller. Et ça, on se rend compte que ça marche plutôt bien. Et puis, ça donne aussi, par exemple, pour le jeune public, l'envie de s'intéresser un petit peu à ces monuments. Je reprends l'exemple, quand on a fait les Imaginales, justement, on avait pas mal de casques de réalité virtuelle. Et le jeudi, vendredi, il y a toujours un tas de collégiens qui déambulent dans les Imaginales. Et eux, ça les intéressait. Eux, c'était plutôt le côté un peu gadget, nouvelles technologies qui les intéressait. Mais on les entendait, ah, bah, moi, je suis à l'abbaye d'Autre, ah, bah, moi, tiens, je suis à l'église Notre-Dame, ah bah moi je suis au château de Châtel, etc. Et bah du coup finalement, en s'amusant, en découvrant, en jouant un petit peu, bah ils apprenaient ne serait-ce que ces sites existent, qu'on peut les visiter, que si vous les visitez, vous allez trouver ça, que ça date de telle époque. Donc c'est vraiment des notions de base qu'on arrive un petit peu à faire venir avec la réalité virtuelle. Et ce qu'on aimerait bien développer aussi, c'est qu'on s'est rendu compte que la réalité virtuelle, c'est quelque chose qui marche très bien avec les personnes à mobilité réduite ou les personnes qui ont vraiment des handicaps assez lourds. Parce qu'en fait, ils ont pas besoin vraiment de bouger pour se retrouver en haut d'un escalier, pour se retrouver dans des endroits qui leur seraient inaccessibles, puisque des fois, par exemple, on a des piscines, notamment Plombières-les-Bains, on a les piscines souterraines qui datent d'époque gallo-romaine où il faut vraiment se contorsionner dans un boyau d'égout pour y accéder. Donc ça, c'est quelque chose que seuls très peu de personnes peuvent expérimenter. Et grâce à les réalités virtuelles, nous, on peut leur montrer voilà à quoi ça ressemble. Et quelles sortes d'événements se sont déroulés à la glucoserie ? Est-ce que c'était adapté aux différents publics que vous avez reçus, par exemple ? Alors, on essaie justement de faire des choses pour tous les publics, c'est-à-dire des choses pour les personnes érudites qui veulent qu'on parle d'histoire, voilà, des choses assez denses, on va dire. Donc là, on a des conférences sur l'histoire du territoire. On a également des visites guidées. Et puis, on va essayer d'avoir des choses un petit peu plus légères. Par exemple, on a tout un programme en direction du jeune public, donc scolaire, mais extrascolaire aussi, pour pouvoir leur parler justement d'histoire, d'architecture, de patrimoine, comment fonctionne un moulin, comment fonctionne une ville-usine, etc. Donc là, pour le programme scolaire, c'est vraiment lié au programme de l'éducation nationale. Donc on travaille beaucoup avec eux pour que du coup les enseignants y voient une vraie plus-value de venir chez nous puisque ça va s'inscrire dans leur programme. Et enfin, on a des animations qu'on a souhaité un petit peu détourner. Donc là, l'idée, c'est d'utiliser d'utiliser le lieu, d'utiliser le patrimoine pour faire quelque chose d'innovant, quelque chose qui change un petit peu. Par exemple, on organise des escape games dans la glucoserie. Donc, c'est-à-dire que bah, les gens sont tout seuls dans le bâtiment. Donc, on ferme le bâtiment pour un groupe de 4-5 personnes, hein, pas un groupe de 30 personnes. L'idée, c'est que donc, cette famille de 4-5 personnes va avoir toute une série d'énigmes qui seront liées au patrimoine. Donc, avec des coffres à ouvrir, avec des codes à trouver, en regardant les panneaux, en cherchant, etc. On s'est bien creusé la tête pour faire quelque chose d'intéressant. On a fait la même chose en version jeune public. L'idée, c'est que là, ça peut être des groupes d'enfants qui viennent. Donc, ça va être des énigmes qui seront adaptées, on va dire, aux 10-12 ans pour en savoir un petit peu plus sur le patrimoine. L'idée de trouver un trésor, de rechercher. L'idée, c'est vraiment par le jeu, parler de patrimoine. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur des sortes de jeux éducatifs. L'objectif, c'est pas d'apporter de la connaissance. L'objectif, c'est de s'amuser. Et en s'amusant, on va parler de patrimoine. Et on se rend compte que ça marche beaucoup mieux comme ça. Ça rend beaucoup mieux comme ça. Et c'est quelque chose qui est beaucoup plus plaisant ensuite à vivre pour les personnes. Par exemple, on a fait aussi une entrée par effraction. Donc ça, il faut attendre l'hiver puisqu'il faut qu'il fasse nuit. En fait, ou en gros, on avait préparé toute une sorte de grand scénario avec un grand groupe. Moi, j'étais le guide. Et en fait, j'étais un peu comme un cambrioleur. Mais en fait, c'était pour un but noble puisque je devais empêcher la directrice de la glucoserie de faire tout exploser. Donc en fait, avec mon groupe, on est rentré par la baie vitrée sur le côté. On a essayé de déjouer l'alarme. On s'est caché quand il y a le gardien qui est arrivé. Et bien sûr, cette directrice nous avait laissé des énigmes historiques que seul le groupe pouvait m'aider à résoudre. Donc ça, c'est quelque chose qui avait beaucoup marché, qui a beaucoup plu. Parce que, bah voilà, quand il y a le gardien qui arrive, tout le monde se cache un peu partout. Et puis après, on fait l'énigme. Où faut regarder sur le panneau, faut chercher la date de ça. Donc c'est que vraiment un jeu d'entraide, un jeu pour s'amuser. Mais voilà, ça permet de aussi de désacraliser un peu le patrimoine. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, quand vous leur parlez d'histoire ou de patrimoine, dans leur tête, ils vont se dire « Ah, ça va être chiant ». Et nous, on essaie justement de casser ça, de se dire « Non, non, le patrimoine, ça peut être rigolo. On peut vraiment parler d'une maison des années 50 tout en s'amusant ». Et c'est ça qu'on va essayer vraiment de mettre en place. C'est à la fois des actions pour les érudits, à la fois pour les enfants, à la fois pour le grand public aussi, qui a juste envie d'une petite visite guidée ou d'une petite conférence pas trop compliquée. Et puis également ceux qui sont là plus pour s'amuser. Ah, j'imagine que ça demande pas mal d'organisation, tout ça. Vous faites pas ça tout seul ? Eh ben, on fait ça avec l'équipe. Donc en ce moment on est entre 3 et 4 et donc chacun un petit peu ses missions, donc on essaye de faire au mieux, mais c'est vrai qu'on a un programme qui est assez dense et on en est assez content puisque on essaye vraiment de faire vivre ce lieu. Puis aussi ça permet à nous en tant qu'équipe de donner un petit peu notre patte. J'aimerais pas dire à un prestataire extérieur vas-y fais-moi un escape game, j'aurais toujours envie de lui dire non mais ça tu peux plutôt faire comme ça, etc. Voilà, il y a toujours l'envie un petit peu de mettre son nez dedans. Et puis bon, on est une équipe qui est assez jeune, on est un peu amateur de ce genre d'expérience, donc on a forcément envie d'y laisser un petit peu notre trace. Et c'est quoi la fréquence des événements qui ont été organisés à la glucoserie à peu près? Alors là, en été, par exemple, on va avoir des visites guidées toutes les semaines. Les conférences, c'est un peu plus léger. Les conférences, ce sera surtout à l'automne, puisqu'on s'est rendu compte que ça marchait pas énormément l'été, les conférences. Donc les conférences, ça va plutôt être septembre-octobre. Là, on en a sur le territoire et à la glucoserie. Donc par exemple, sur le territoire, c'est quasiment toutes les semaines. À la glucoserie, je crois qu'on en a une seule à l'automne. Et puis, les escape games, on en a une fois toutes les deux semaines. Voilà, donc on a tout notre programme qui est disponible sur le site laglucoserie.fr. Comme ça, c'est le plus simple. Mais en tout cas, c'est des choses qui marchent plutôt bien. Donc je pense notamment aux escape games, puisque c'est sur réservation. Donc s'il y a des gens qui sont intéressés, vaut mieux réserver assez rapidement, puisque c'est des créneaux qui partent assez vite, quoi. Puisque on va privatiser le bâtiment pour un groupe, donc ça part très vite. J'ai cru comprendre que vous ne travaillez pas qu'avec la ville d'Épinal. Avec quelle commune vous collaborez ? En fait, moi je travaille pour le pays d'Épinal. Donc le pays d'Épinal, c'est 172 communes. Donc c'est la communauté d'agglomération d'Épinal, c'est le secteur Vosges côté sud-ouest, donc d'Arnay, Montureux-sur-Saône, La Marche, et c'est la communauté de communes de la région de Rambervillers. Et à ça, on a 4 communes supplémentaires qui sont associées : Plombières-les-Bains, Chenimesnil, Decelles et de Martin-aux-Bois. Et donc moi, je suis habilité à intervenir sur toutes ces communes. Et donc il y a deux manières d'intervention. Soit c'est la commune qui fait appel à nous. Par exemple, telle commune dit bah, j'aimerais bien une visite guidée de ma commune. Dans ce cas, on répond, si on a la possibilité, on dit oui. Et ou bien je veux bien une conférence, ou bien tenez, je vais faire réparer mon lavoir, qu'est-ce que vous en pensez? Ça peut être aussi justement des conseils, de l'aide. Ou bien tout simplement, c'est nous, notre équipe, ou bien nos guides, puisqu'on travaille aussi avec une équipe de guides sur le territoire, qui vont nous dire, j'ai identifié tel patrimoine sur telle commune, je serais intéressé pour faire une visite. Et dans ce cas, c'est nous qui vont démarcher la commune pour lui dire, voilà, nous serions intéressés par faire telle ou telle action sur votre commune, qu'est-ce que vous en pensez? Et c'est quoi des manifestations pédagogiques pour la glucoserie? Alors les manifestations pédagogiques, c'est essentiellement comme on en parlait tout à l'heure, le programme scolaire et périscolaire, les actions qu'on met en place. Donc on a un livret spécial qui s'appelle le livret explorateur, qui est principalement à destination des enseignants. Et en fait, donc les enseignants vont retrouver toutes les actions que nous on peut proposer, avec à chaque fois l'éclairage sur le lien avec le programme de l'éducation nationale. Comme ça, tel enseignant va dire, tiens, si je veux développer telle ou telle partie de mon programme, je peux à la glucoserie ou sur le territoire, puisqu'on peut se déplacer également, travailler tel ou tel aspect. Par exemple, quand on parle du 19e siècle, nous on peut apporter un éclairage sur l'effort, sur le canal, sur la ville ouvrière. Voilà, ça permet vraiment de donner aux enfants des exemples concrets et de voir vraiment sur le terrain qu'est-ce que ça a fait, qu'est-ce que ça a transformé, quelle influence ça a eu sur notre secteur. Et c'est quoi l'actualité du moment, la glucoserie d'Épinal ? Alors l'actualité du moment, c'est donc on vient de passer donc le mois de juillet. Donc là maintenant, on est passé en horaire estival. Donc du coup, on est passé du mardi au dimanche. Donc on a 2 jours d'ouverture de plus par semaine. Et on est dans un programme d'animation un petit peu plus dense, puisque comme ça va être bientôt les vacances scolaires, c'est là qu'on va avoir donc une visite guidée toutes les semaines. On va essayer vraiment de toucher un public peut-être plus d'extérieur, donc c'est-à-dire de touristes. Et là, c'est un autre public que les habitants, puisque là, faut vraiment bien remettre les choses dans leur contexte pour leur expliquer le territoire, son histoire, sa cohérence, son paysage, etc. Et c'est un autre défi, mais qui est assez intéressant. Et c'est quoi vos futurs projets avec la glucoserie ? Qu'est-ce que vous avez prévu ? Alors pour la glucoserie, le principal gros projet qu'on a sur le feu en ce moment, ça va être la prochaine exposition temporaire, puisque même si c'est dans longtemps, puisque l'exposition temporaire du moment, donc sur l'architecture de la reconstruction, ça dure jusqu'au printemps prochain, jusqu'en mars prochain. Mais donc en mars prochain, on va avoir donc une nouvelle exposition sur l'industrie textile. J'en ai déjà parlé, puisqu'en fait, cette exposition va être mêlée au film qu'on est en train de faire. Et c'est pour ça que justement, on a mis un peu l'accent sur cette thématique. Mais si je veux que cette exposition elle soit prête en mars, il faut quasiment que l'ensemble soit rédigé fin d'année. Donc il faut que les recherches soient menées, que les images soient tournées, etc. Donc finalement, c'est en ce moment qu'on est vraiment dans le cœur du sujet. Et donc cette exposition va être assez intéressante pour moi, puisque c'est vraiment une thématique phare de notre territoire. Et c'est une thématique qu'on va pouvoir coupler justement avec les témoignages qu'on est en train de collecter en ce moment. Donc c'est un peu ce lien que j'aimerais mettre en lumière. Et puis à l'issue justement de cette nouvelle exposition, l'ancienne exposition temporaire sur la reconstruction, on aimerait bien la mettre en itinérance. C'est-à-dire la proposer à des communes d'accueillir dans une médiathèque ou n'importe où ailleurs, ça c'est pas encore totalement défini, d'accueillir cette exposition avec des animations qui vont avec. Donc on va essayer de faire ça. Et puis on aimerait bien aussi pouvoir faire bouger nos casques de réalité virtuelle, donc c'est-à-dire les emmener sur le territoire. Par exemple, cet après-midi, rendez-vous à la médiathèque de telle commune pour découvrir la réalité virtuelle. Voilà, ce genre de choses, on aimerait bien bouger un petit peu et essayer que tout ne soit pas centralisé sur Épinal. Comme on a un vaste territoire, on aimerait bien un peu qu'il soit irrigué, que la glucoserie ce soit un peu le centre opérationnel, mais qu'on puisse justement se délocaliser à plein d'endroits pour des visites, des conférences, de la réalité virtuelle, des expositions, des projections, etc. Est-ce qu'on peut vous retrouver sur Internet et les réseaux sociaux ? Oui, donc on a Facebook et Instagram, c'est toujours La Glucoserie. Facebook, La Glucoserie, Instagram, La Glucoserie, et notre site internet, La Glucoserie. Tout attaché, sans point, sans tiret. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite à vous et La Glucoserie ? Le meilleur, j'espère. C'est quelque chose qui est très très récent, on a ouvert il y a très peu de temps, donc j'invite tous ceux qui n'ont pas pu venir à venir découvrir ce qu'on propose, et surtout à venir quand ils veulent. On est ouvert en visite libre, donc il n'y a pas besoin de prendre rendez-vous, il n'y a pas besoin d'appeler, etc. Donc 14h-18h, du mardi au dimanche, en période estivale, et du mercredi au samedi, en période creuse. Cette émission est maintenant terminée. Romaric, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Très bien. Quant à nous, auditeurs et auditrices de RGM, on se retrouvera très prochainement pour une nouvelle émission d'Autour de vous. En attendant, prenez soin de vous. C'était Laura. Bye tout le monde.